الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Nous continuons l'explication en langue française du livre intitulé أعلام سنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Donc le cours précédent, pour rappeler aux frères et aux sœurs, c'est que nous sommes toujours en fait dans le chapitre des prophètes, la foi aux prophètes. Donc nous avons vu plusieurs questions sur ce sujet et nous nous sommes arrêtés la dernière fois, le cours dernier de vendredi passé, à la question numéro 95. Donc nous commençons par elle. Rappelons aussi que le dernier point que nous avons vu la dernière fois, le dernier cours, parce qu'on avait dit qu'on donnait des points par rapport à la croyance qu'on devait avoir envers les prophètes pour faciliter en fait la mémorisation des points fondamentaux. Donc on avait dit que le dernier point c'était le point numéro 10. Le dixième point c'était que l'obligation de croire aux prophètes de façon détaillée et de façon générale. On avait aussi expliqué qu'est-ce que voulait dire Al-Iman al-Mufassal ou Al-Iman al-Mujmal. Donc ça c'était pour le deuxième point. Donc on verra aujourd'hui le dernier point en fait, qui sera le onzième point, sera le dernier point qu'on verra aujourd'hui. Et donc on va finir les questions qui sont en relation avec ce chapitre de la croyance. فَيَقُولُ الشَّيْخُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَوَّلُ الرُّسُلِ مَنْ أَوَّلُ الرُّسُلِ, c'est-à-dire quel est le premier des prophètes, qui est le premier des prophètes, qui est le premier des envoyés des prophètes. فَيَقُولُ الشَّيْخُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَوَّلُهُمْ بَعْدَ الْإِخْتِلَافِ نُوح عليه السلام, كما قال تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ والنبيين من بعده, وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. Donc en fait le shir va nous informer que le premier des envoyés est Noé, et Nouh en arabe, donc Nouh, et donc le terme ou le nom qui est donné en français c'est Noé, Nouh alayhi salam. Donc ça c'est le premier des envoyés. Par rapport à ça il va nous donner une preuve. Le Cheikh, rahimallah, il va nous donner une preuve, même deux preuves du Coran, qui viennent appuyer ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que Nuh est bel et bien le premier des envoyés. Certaines personnes ou certains savants disent que c'est Idriss. Ils disent que c'est Idriss qui vient en fait directement après Adam. Mais il faut savoir que les preuves du Coran sont claires par rapport à cela. C'est-à-dire que c'est Nuh. C'est pour ça que la plupart des savants disent que c'est bel et bien Noir qui était le premier des envoyés. Donc le hadith, ou le verset qui nous donne le shir, rahimallahu ta'ala, c'est le verset qui se trouve dans surat al-Nisa, c'est-à-dire la surat des femmes. Et c'est le verset 163. Et ça, c'est une preuve que Noir est le premier des envoyés. Donc la traduction est la suivante: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Donc, Mawawajul Istidlal, quel est en fait l'aspect argumentatif de ce verset, c'est qu'en fait, Allah Azzawajal, dans ce verset, lorsqu'il dit à son prophète qu'il lui a fait révélation, comme il a fait révélation, à qui? Au premier des prophètes. Donc, il va citer là, ici, Allah Azzawajal, le premier des prophètes qui est Noé. Et ensuite, ceux qui sont venus après Noé. Il a nouhin wa nabiyyin min ba'di, c'est-à-dire ceux, les prophètes, les envoyés qui sont venus après Noé. Donc ça c'est la première preuve. Ensuite le deuxième verset, qui est le verset dans le surat le pardonneur, et qui est le verset numéro 5. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après eux ont fait de même. Kadhabat qablahum qawm nouhin wal ahzab min ba'di. Donc en fait Allah Azzawajal ici il va citer le premier, il va faire référence au premier des envoyés par rapport au mensonge ou le fait qu'il ait été traité de menteur par son peuple. Et donc le premier ici, le premier des envoyés c'est Noé. Donc en fait c'est deux preuves que le shir nous ramène du Coran pour nous dire en fait que le premier des envoyés c'est Noé, Nuh alayhi salam. ويقول الشيخ أولهم بعد الاختلاف بعد الاختلاف c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire en fait l'ikhtilaf donc on va le voir en fait on va voir qu'est-ce que veut dire il veut dire par le terme al-ikhtilaf qu'on traduit par la divergence quelle est en fait cette divergence en fait ce qu'il veut dire le shirk par là la divergence c'est en fait lorsque les gens ont en fait divergé du tawhid et ont commencé à associer Allah Azzawajal d'autres divinités donc on va voir en fait dans la question la suivante il va en fait nous expliquer qu'est-ce que en fait l'ikhtilaf et quand il a eu donc il dit le shirk rahimullah matakana l'ikhtilaf matakana al-ikhtilaf c'est-à-dire quand a été cette divergence à quel moment est advenue cette divergence donc il nous dit le shaykh rahimahullah قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين Donc en fait, il va nous rapporter un affar, il va nous rapporter une parole de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Il nous dit en fait, il nous rapporte que Ibn Abbas nous cite qu'il y avait entre Nuh et Adam 10 siècles. Qu'il y a eu entre Nuh, Noé et Adam 10 siècles. Donc après que Adam soit descendu sur la terre, il y a eu 10 siècles qui ont séparé le premier des prophètes qui est en fait Noé. Et pourquoi Allah Azzawajal donc a envoyé son prophète ? Simplement en fait pour rappeler les gens au tawhid après qu'ils aient divergé. Donc c'est pour ça maintenant on comprend marna al-irtilaf. C'est pour ça qu'elle a dit awalurum bard al-irtilaf. C'est-à-dire le premier qui est descendu après elle, après la divergence qui est en fait Noé. Donc il y a eu en fait cette période, la période entre Adam et Noé est de 10 siècles. Et de 10 siècles. Donc Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dit il y avait entre Adam et Noé 10 siècles tous sous le règne de l'islam ça c'est en fait un autre affar de lui tous sous le règne de l'islam et Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit à propos de ce bon ça c'est une faïda qu'on rapporte Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit par rapport à cette parole d'Ibn Abbas cet avis est absolument juste sans aucune équivoque car la lecture de Ubayd ibn Ka'b du verset précédent donc en fait il cite un verset il va citer Ibn Qayyim cite un verset par rapport à cette irtilaf. C'est le verset qui se trouve sur surat la vache. Surat la vache, al-Baqara, qui est le verset numéro 213. Verset numéro 213 même. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ Les gens formaient à l'origine une seule communauté, entre parenthèses croyantes. Puis Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Donc ce qui est cité, la première apparition du polythéisme et de la dérivation dans la croyance, la divergence en fait qui a eu, la déviation dans la croyance fut chez le peuple de Noé le premier des envoyés. Et c'est pour ça en fait qu'il y a, en fait il nous dit Ibn al-Qayyim qu'il y a une lecture de ce verset, le verset précédent, une lecture précédente, Ibn Ka'b. Qui dit, puis après qu'ils eurent divergé, Allah envoyait des prophètes, c'est-à-dire Bard al-Irtilaf. Et en fait, ça, c'est conforme à un autre verset qui se trouve dans la surat Yunus, et qui est le verset suivant. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Donc, ça, c'est conforme, cette parole-là, et cette autre lecture du verset précédent est conforme par rapport à ce deuxième verset qui se trouve dans surat Yunus, et qui est le verset numéro 19. Donc il témoigne de la lecture précédente de Ka'b. Mais Ibn Ka'b. Donc les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergèrent. Ça veut dire que les gens formaient une seule communauté, tous sous le règne de l'islam. C'est-à-dire que ce qui régnait entre les gens et leur unité était autour de l'unicité d'Allah Azzawajal. L'unicité d'Allah Azzawajal jusqu'à que le shaitan, en fait, est venu insuffler aux gens, en fait, ce plus grand des péchés qui est le péché du polythéisme. Et donc en fait Ibn Qayyim veut dire que l'envoi des messagers a été la conséquence de la divergence à propos de leur authentique religion, comme cela a été le cas des Arabes lorsqu'ils pratiquaient la religion d'Ibrahim, et qu'ensuite ils ont divergé, donc Allah Azzawajal a envoyé Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, pour réformer en fait la religion du prophète Ibrahim alayhi salam, qui était en fait la religion qui était basée sur le tawhid. Donc en fait maintenant on comprend ce qu'a voulu dire le cheikh par le terme al-ikhtilaf, et on connaît maintenant la période qu'il y a eu entre Adam et Nour, qui est donc de 10 siècles. Ensuite le cheikh nous a donc posé la question: quel est le premier des envoyés? Maintenant il va nous poser la question: quel est le dernier des envoyés? Quel est le dernier des envoyés? Donc il dit à la question numéro 97: Man huwa khatimun nabiyyin? Man huwa khatimun nabiyyin? C'est-à-dire qui est le sceau des prophètes? Qui est le dernier des prophètes? Donc il est permis qu'on dise khatim ou qu'on dise khatim. Khatim ou khatim, les deux termes sont valables. Donc yaqul al-shaykh khatimun nabiyyin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, tout le monde connaît la réponse, c'est Muhammad, notre prophète, qui est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Ensuite, question 98, il nous dit: quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Donc par rapport à ça, il va nous apporter des preuves du Coran, ou un verset du Coran, il va nous apporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent appuyer cette affirmation. Fayaqul mad-dalilu ala dhalik? Mad-dalilu ala dhalik? Quelle est la preuve de cela? Que le prophète est le dernier des prophètes. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وغير ذلك كثير. Donc il nous cite, le premier verset qu'il nous cite est le suivant. C'est le verset qui se trouve dans la sourate. On a surat al-Ahzab, c'est-à-dire les coalisés. Les coalisés, c'est le verset numéro 40. Ça, c'est une preuve du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes. Wa khataman nabiyyin. Donc ça, c'est une preuve claire et nette, sans équivoque, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier, le sceau des prophètes. Donc le verset Al-Ahzab, l'équalisé, qui est le verset numéro 40 dans Surat l'équalisé. Ensuite, il va nous citer un hadith. Ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud. Il est rapporté aussi par Tirmidhi. Il est rapporté également par l'imam Ahmed. Qu'Allah fasse miséricorde à tous. Et il est authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, fi sahih Abi Daoud, kama fi sahih Abi Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith: il y aura après moi 30 menteurs. Innahu sayakun ba'di kadhabun thalathun, c'est-à-dire 30 menteurs. Quel est leur mensonge? Tous prétendent être des prophètes, c'est-à-dire chacun va prétendre être un prophète. Et ce sont des menteurs. Pourquoi ça? Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la cause de cela, il dit: et moi je suis le dernier des prophètes, pas de prophète après moi. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous affirme qu'il est le dernier des prophètes. Donc ces gens qui affirment être des prophètes après lui seront des menteurs. Kadhabun. Wa ana khatimun nabiyyin wa la nabiyya ba'd. Il nous rapporte, donc ça c'est une preuve de la sunnah. Il nous rapporte aussi un deuxième hadith. Ce hadith-là est rapporté par wa muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Il est rapporté aussi par l'imam Ahmed de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est le compagnon qui rapporte le prophète. N'agrées-tu pas? Donc c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il lui a dit: n'agrées-tu pas que tu sois envers moi comme le rang de Haroun par rapport à Moïse, sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Donc ash-shahid illa annahu la nabiyya ba'di, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Il n'y aura pas de prophète après moi. Il rapporte aussi le shir, encore un autre hadith qui en fait qui est cité toujours la même parole, et qui prouve donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des envoyés. Ensuite, à la question 99, il va continuer par rapport au prophète. Il va nous demander en fait, le shir, rahimallah, quelles sont en fait les particularités qui distinguent en fait le prophète des autres envoyés. Fayaqul, rahimallah, ماذا اختص النبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء C'est-à-dire donc quelles sont les particularités du prophète صلى الله عليه وسلم qui diffèrent des autres envoyés, qui vont en fait ces particularités qui vont se distinguer des autres particularités des prophètes. C'est-à-dire chaque prophète va avoir une particularité, mais le prophète صلى الله عليه وسلم va avoir des particularités qui vont être en fait spéciales à lui, qui n'auront pas été donnés aux autres. فيقول الشيخ رحمه الله له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها يعني من هذه الخصائص منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها كونه صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي سرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وله صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. Donc le shir va nous citer certaines particularités du prophète. Il nous dit donc à la fin de cette réponse là qu'il en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a beaucoup, il a beaucoup de particularités, et en fait donc il ne va pas les énumérer de façon exhaustive, le shir. Il va en citer certaines et il nous dit donc à la fin de sa parole que les autres il faut donc revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en fait voir quelles sont les autres spécialités ou quelles sont les autres particularités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bénéficié par rapport aux autres envoyés. Donc il nous dit dans un premier temps qu'elles ont été énumérées en fait ces spécialités ou parfois ces particularités, on pourrait dire, non, elles ont été énumérées en fait dans des livres. C'est des livres en fait, certains livres ont traité spécialement des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces livres, il y en a beaucoup. On peut citer par exemple Dalail al-Nubuwa d'Abu Nu'aym al-Asfahani. Il y a aussi le Kitab al-Bayhaqi qui a le même titre. Et en fait, il y a beaucoup de livres par rapport à cela. Donc parmi elles, il nous dit la première. La première qu'il va nous citer, c'est qu'il est le sceau des prophètes. Ça, c'est une particularité. Comme on l'a cité précédemment, dans la question précédente. Ça, c'est une spécialité. Ou c'est une en fait particularité du prophète, qu'il est le sceau des prophètes. Ensuite, la deuxième particularité, en fait, il va nous donner un verset. Fayaqul qawnu sallallahu alayhi wa sallam sayyidu walid Adam. C'est-à-dire dans le verset qu'il va citer, c'est un verset qu'on avait déjà vu. C'était une preuve en fait qu'Allah Azza wa Jalla a favorisé des prophètes sur d'autres prophètes, qu'il a favorisé certains prophètes sur d'autres prophètes. Et ça, on avait vu, c'était un des points essentiels ou fondamentaux dans la croyance ou la croyance que l'on doit avoir envers les messagers. Et donc ensuite, il nous a dit « وَرَفَعَ فِي الْآيَاتِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ » C'est-à-dire parmi eux, il y a ceux qu'Allah Azzawajal, il leur a parlé. Et donc parmi ceux qui ont parlé, qu'Allah Azzawajal leur a parlé de façon directe, Man kallama Allah, qui leur a parlé de façon directe, en fait ils sont trois. Donc en fait c'est pas al-maqsoud, c'est pas en fait la particularité qui est voulue ici par le verset. On va voir en fait que c'est la suite du verset. Donc ceux dont Allah Azza wa Jalla leur a parlé directement, il y a Adam, Moïse, Moussa et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait c'est pas une particularité. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a déjà parlé à certains prophètes. Donc cette particularité n'est pas spéciale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a parlé déjà à Adam avant lui et après Adam, Moïse. Kama fil ayat wa kallama Allah Moussa taklima. Il y a aussi donc la suite du verset wa rafa'a ba'dahum darajat. Donc en fait lorsqu'on revient au tafsir de Ibn Kathir, lorsqu'il explique ce verset, en fait il nous dit que par rapport à ça, il nous rappelle en fait hadith al-Isra. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en fait jusqu'en Palestine pour et ensuite le Mi'raj, lorsqu'il est il a monté jusqu'au ciel et c'est à ce moment donc comme tout le monde le sait que la prière a été rendue obligatoire où les cinq prières ont été rendues obligatoires sur cette communauté, la communauté musulmane. Et donc c'est à ce moment là en fait, comme il nous explique Ibn Kathir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu tous les niveaux et tous les rangs des prophètes, et que lui en fait il était au plus haut des rangs vu qu'en fait il a frappé une porte que personne avant lui n'a frappé. Donc en fait ça c'est pour ça qu'il nous dit Sayyidu waladi Adam, c'est-à-dire c'est le maître des enfants d'Adam. Donc ça c'est une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était favorisé sur les autres messagers et qu'il est le meilleur des messagers. Fa wa afdal ulul azm. Donc en fait le meilleur, comme on avait vu, le meilleur des cinq messagers qui sont dits les messagers ou les prophètes qui ont une détermination à toute épreuve, le meilleur d'entre eux c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça en fait c'est l'une des preuves, hadith ou l'Isra ou al-Mi'raj, c'est une des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur. Et là aussi, lorsqu'il a prié dans la mosquée à Quds, il a prié, il était l'imam de tous les autres prophètes. Il a été l'imam, il a prié en tant qu'imam des autres prophètes. Ce qui en fait est une autre preuve aussi qu'il a été en fait favorisé. Ensuite, il nous rapporte un hadith, le Shi'a rahimullah, wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ana sayyid walad adam wa la fakhr. Ce hadith là en fait, c'est un hadith qui a plusieurs versions ou qui est cité par beaucoup de ceux parmi les savants du hadith, et il est cité particulièrement par l'imam Muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique. Wa fi riwaya ana sayyid walad adam yawm al-qiyamah, c'est-à-dire le jour du jugement. Le jour du jugement. Donc ça en fait c'est un hadith qui est authentique, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit je suis le maître des enfants d'Adam le jour du jugement. Ça c'est la troisième particularité. La quatrième, il a été envoyé à l'ensemble des gens, c'est-à-dire les humains et les djinns. Et ça en fait c'est aussi une des particularités du prophète, c'est-à-dire que les prophètes avant lui ils étaient envoyés à leur peuple, alors que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il est envoyé à l'ensemble des humains, mais il est aussi envoyé à l'ensemble des djinns. Il est aussi envoyé à l'ensemble des djinns, comme nous informe le Shi'a rahimallahu ta'ala. Et il va nous citer des versets ou deux versets par rapport à ça. Le premier verset, c'est le verset qui se trouve sur surat al-A'raf, les lames, et qui est le verset 158. Qui est le verset 158 dit « Oham ». Je suis pour vous tous, c'est-à-dire sans exception, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Ô homme, je suis pour vous tous, yani annas, ajma'in, sans exception, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et ensuite, le deuxième verset qu'il nous cite pour appuyer ce qu'il avance le shir, c'est le verset numéro 28 qui se trouve sur Surat Saba, Saba, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Yani, kaffatallinnas. C'est-à-dire, nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Bashiran wa nadhira. Voilà pour les deux preuves. Les deux preuves du Coran qui nous prouvent que le prophète sallam est envoyé à l'ensemble des gens. Et même, il a été même envoyé à l'ensemble des gens, c'est-à-dire des hommes et des djinns. Ensuite, il nous cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est rapporté par Muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, et il est rapporté par Jabir ibn Abdullah, al-Sahabi al-Jalil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: U'titu khamsan, ma'am. Lam yu'tahunna ahadun qabli. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lui a été donné cinq choses. Il lui a été donné cinq choses. Khamsan, yani khamsan, khamsa ashir. C'est-à-dire qu'il lui a été donné cinq choses. Et ces choses-là, ces cinq choses n'ont pas été données à ceux d'avant lui. À ceux d'avant lui. Donc là, c'est une preuve claire et nette que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire à travers ce hadith que ce sont des particularités qui sont spéciales pour lui. Qui sont spéciales pour lui. Il a dit qu'il a été en fait musirtu bir-ru'bi masirata shahrin, c'est-à-dire que la victoire en fait lui est donnée par rapport à ses ennemis, par la peur qui est jetée dans ses ennemis d'une durée d'un mois. C'est-à-dire qu'avant qu'il arrive en face de ses ennemis d'une durée d'un mois, masirata shahrin, il est déjà, Allah Azza wa Jalla lui donne déjà la victoire par rapport, et comment ça, en mettant la grande peur dans le cœur de ses ennemis. Donc ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, ju'ilat li al-ardu masjida wa tahura, c'est-à-dire que toute la terre a été placée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un lieu de prière et un endroit pur. Ensuite, il nous dit fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli, adrakathu as-salatu falyusalli, c'est-à-dire que chaque personne de ma communauté dont la prière l'atteint, c'est-à-dire la prière entre dans son heure, alors il peut prier à n'importe quel endroit qu'il soit sur la terre. Donc ça, c'est marna wa ju'ilat li al-ardu masjida, c'est-à-dire un endroit de prière, wa tahura, c'est-à-dire qu'elle est pure. Bien sûr, il y a certains endroits, ça rentre fi masalat al-fiqh dans la jurisprudence. Il y a certains endroits où il n'est pas permis que la personne prie. À la Kulihal, de façon générale, toute la terre a été rendue comme lieu de prière et pure pour les musulmans, pour toute la communauté musulmane. Et ça, c'est une des caractéristiques de cette communauté, et c'est une des particularités qui a été donnée à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Wa uhillat li al-ghanaim », c'est-à-dire que Al-Ghanaim, qui sont en fait le butin de guerre, pris par les musulmans ou par les combattants lors d'une guerre sainte, qui est pris de l'ennemi. Donc ça, c'est Al-Ghanaim, le butin de guerre. Et ensuite, la quatrième, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est Yom al-Qiyamah, il va lui être donné l'intercession. Et ça, on va le voir en fait, inshallah. L'intercession, ça rentre dans notre croyance en fait, et on verra en détail qu'est-ce que l'intercession et quelles sont les catégories de l'intercession, Al-Shafa'a. Et ensuite, ça c'est pour la quatrième, et ensuite la cinquième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِ خَاصَّ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّ. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, ou que les envoyés d'avant lui étaient envoyés à leur peuple respectif, alors que lui, le prophète, a été envoyé à l'ensemble des gens. Et ensuite, il nous rapporte une autre caractéristique, le shir, en rapportant un hadith. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, hadith authentique, bien entendu, et qui est le suivant: وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ. C'est-à-dire par celui qui tient son âme entre ses mains, ou mon âme entre ses mains. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait un serment par qui ? Il fait un serment par Allah, azza wa jalla. Par Allah. Donc les créatures, il est, l'obligation leur est faite de faire serment sur Allah Azzawajal, alors qu'Allah Azzawajal lui fait serment sur ses créatures. Il fait serment sur ses créatures. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. Donc il veut dire par le terme communauté ici, la communauté des juifs et la communauté des chrétiens, yani ummatu ahli al-kitab, c'est-à-dire les gens du livre. ثم يموت c'est-à-dire لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. Personne de parmi les juifs et les chrétiens qui m'entend. Personne de parmi les juifs et les chrétiens qui m'entend. Donc ça aussi, on a dans ce hadith une faïda. C'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il dit « La yasma'u bi ahad » et comme le précisent certains savants, c'est-à-dire que c'est la da'wah, il faut qu'elle vienne aux gens de façon pure. C'est-à-dire qu'ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa véritable forme, sous sa véritable identité. Vraiment, ils connaissent la personne qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un point essentiel au niveau de la da'wah, c'est-à-dire que les gens vont être responsables de leur accord ou de leur désaccord par rapport à l'islam une fois qu'ils vont en fait avoir entendu ou avoir une fois qu'ils auront connu réellement qui est le prophète. Bidalil la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma. Ensuite, personne de parmi les juifs et les chrétiens qui m'entend puis ne croit pas en ceux avec lesquels j'ai été envoyé. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Avec lequel j'ai été envoyé sans qu'il ne soit parmi les gens du feu, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. C'est-à-dire donc que chaque chrétien et chaque juif qui aura entendu la da'wah du prophète, après l'avoir entendu et après avoir su que c'est un prophète et qu'il ne croit pas en lui, alors ils seront des gens de l'enfer, ils seront des gens de l'enfer. Donc ça encore c'est une preuve que le prophète ici, il est envoyé à l'ensemble des gens. Il n'a pas été envoyé simplement aux Arabes, mais il a été envoyé aussi à tous les chrétiens, suivant toute leur nationalité, et Kavalik, il y en a aussi les Juifs, pour ce qui est des Juifs. Donc ça, c'est une particularité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le shirk fait apparaître à travers ce hadith. Tayyib. Ensuite, maintenant on va rentrer dans une question qui va être beaucoup plus longue, et c'est la question numéro 100. C'est la centième question, la question numéro 100. Fayaqul al-shaykh rahimahullah, ma hiya mu'jizatul anbiya? Ma hiya mu'jizatul anbiya? Donc il nous dit, la question est, quels sont les miracles des envoyés? Quels sont ces miracles des envoyés, anbiya? Taïb, avant de commencer dans l'explication et de lire, il faut savoir que le terme mu'jizat, ce terme-là, mu'jizat, donc ce que l'on traduit par miracle, est le terme que l'on emploie le plus souvent lorsqu'on parle de miracle, on dit al-mu'jiza. Il faut savoir en fait que ce terme-là n'a pas été employé ni dans le Coran et ni dans la Sunna. C'est-à-dire que ce terme-là, al-mu'jiza, n'a pas été employé ni dans le Coran et ni dans la Sunna. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais employé ce terme al-mu'jiza. Et Allah Azzawajal dans son livre n'a jamais employé ce terme al-mu'jiza. En fait, al-mu'jiza, ce terme-là, c'est un terme qui a été employé par les savants d'après. C'est-à-dire ceux qui sont venus après, les savants, lorsqu'ils ont commencé à écrire sur ce sujet, c'est-à-dire les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont employé ce terme al-mu'jiza. Donc les savants disent là, tabaran, il n'y a pas de mal à employer ce terme, mais ce n'est pas le terme qui en fait a été employé dans le Coran ou qui était employé dans la Sunna, qui était employé dans le Coran ou qui a été employé dans la Sunna. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lui il voit en fait que ce qui est le mieux pour exprimer ce terme, c'est de reprendre en fait les termes qui ont été employés dans le Coran et qui ont été employés dans la Sunna. Donc parmi ces termes, il y a par exemple ayatun nubuwa, c'est-à-dire les signes de la prophétie. Wal barahin, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par les preuves. Wal bayinat. Ceci, c'est un terme qui est employé par le Coran, qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al bayinat. Donc en fait, ces termes-là, ayatun nubuwa, ou dalail nubuwa, ou barahin, ou al bayinat, ces termes-là, ce sont des termes en fait qui ont été employés. Et ça en fait, ce qu'il voit chez l'islam, qu'il est préférable d'employer ces termes-là. cette parole-là, vous la trouvez dans Fi al-Jawab al-Sahih. Fi al-Jawab al-Sahih, dans son livre intitulé Al-Jawab al-Sahih, qui est en fait un rad ala al-Nasara, qui est en fait une réfutation de la croyance des chrétiens. Donc voilà pour la précision que l'on donne par rapport à ce terme al-Mu'jiza. Et donc en fait, maintenant, lorsqu'on va maintenant entamer ce. On va commencer à parler sur les miracles, ça va être en fait le 11e point. Donc on avait dit on s'est arrêté au 10e point, ça va être en fait le 11e point. Quel est donc le 11e point à connaître et à savoir par rapport à la croyance que l'on doit avoir envers les prophètes? C'est qu'Allah a appuyé les prophètes et les envoyés, c'est-à-dire Rusul Anbiya, Allah les a appuyés par des signes, par des preuves claires. Par des signes et par des preuves claires, par des, en fait, des miracles, afin de prouver la sincérité de leur message, afin de prouver la sincérité de leur message, et afin aussi de les soutenir, et afin de les soutenir. Donc ça, c'est le 12e point, donc, enfin le 11e point. Donc on doit croire à travers ce point-là qu'Allah Azzawajal les a appuyés par ces signes, par ces preuves claires. Al-Barahin, Al-Bayyinat, Al-Ayat. Allah Azzawajal les a appuyés par ces signes, par ces preuves, claires, afin, et quelle est l'hikmah, c'est-à-dire la sagesse de cela, afin de prouver la sincérité de leur message prophétique devant les gens, pour que les gens sachent réellement que ce sont réellement des prophètes, et afin de les soutenir, et afin aussi ta'yid an-nahum, c'est-à-dire afin de les soutenir. Taïb le Shir, maintenant, dans un premier temps, donc on va lire ce qu'il dit le Shir, la réponse, on va voir en fait qu'il va venir avec la définition de le terme. Donc on reprend le terme qu'il prend le shir ou qu'il emploie, al-mu'jizat. On va voir en fait qu'il nous donne la définition du miracle, la définition du miracle. Donc cette définition là, on va la dire, on va la citer et on va l'expliquer mot par mot, inshallah. Fa yaqul al-shir rahimahullah, al-mu'jizat ya amrun khaliqun lil'adati maqrunun bit-tahaddi salim سالم عن المعارضة وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة كانت للنبي إلا وله صلى الله عليه وآله وسلم وله أعظم منها في بابها فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع والتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما المعجزات الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحان الله. Donc le shir, il nous dit, dans un premier temps, il nous donne la définition du miracle. Il nous donne la définition du miracle. En fait, on va dire où elle s'arrête la définition, et on apportera quelques compléments. فيقول المعجزات هي أمر خالق للعادة مقرون بالتحدي مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. Ça, c'est la définition que nous donne le shir. La définition, en fait, elle s'arrête ici, et ensuite il va nous donner en fait deux catégories de ces miracles. Il va nous citer les deux catégories de ces miracles et va nous expliquer qu'est-ce que c'est ces deux catégories. Donc pour ce qui est de la définition, elle s'arrête ici en fait. طيب يقول أمر. Donc ça, أمر, c'est une chose. On peut traduire ce terme-là par une chose. C'est en fait أمر, c'est un terme qui est général. Amrun. Donc c'est une chose qui comprend soit des paroles ou soit des actes. C'est-à-dire qu'un mu'jizal, ça peut être une parole, le miracle peut être une parole, ou il peut être en fait un acte. Donc aqwal ou afal. Amrun. Donc il rentre ces deux choses. ces deux catégories. Donc c'est une chose, amrun khaliqun al-'ada, qui sort de l'ordinaire. Khaliqun al-'ada, qui sort en fait de l'ordinaire. Donc il vient contraire à ce qui est habituel et à ce que les gens ont l'habitude de connaître. Ce que les gens ont l'habitude de connaître. Donc c'est une chose qui va en fait sortir de l'ordinaire. Amrun khaliqun al-'ada maqrunun bit-tahaddi. Maqrunun bit-tahaddi. C'est-à-dire accompagné d'un défi. Accompagné d'un défi. Et certains savants complètent et disent wa da'wan nubuwa. Wa da'wan nubuwa. C'est-à-dire maqrunun bit-tahaddi. Maqrunun bit-tahaddi wa da'wan nubuwa. C'est-à-dire accompagné d'un défi et de la prêche ou du prêche afwan et du prêche prophétique. Et du prêche prophétique. Et en fait, ça va en faire. Certains savants donc citent en fait cela pour en fait lorsqu'ils disent wa da'wa an-nubuwa, pour faire sortir al-karama, pour faire sortir al-karama. Ce qu'on va voir en fait, on donnera inchallah un supplément par rapport à ça, ce qu'on appelle al-karama. On verra ce que c'est. Donc on voit en fait que lorsqu'on parle de al-karama, c'est aussi amrun khaliqun al-'ada, sauf que là il y a en fait un supplément qui vient en fait, qui par cette définition qui vient faire sortir ce terme-là qui est le karama, maqrunun bit-tahaddi wa da'wa an-nubuwa. Donc on rajoute nous wa da'wa an-nubuwa. Il faut savoir en fait que l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit en fait annahu la yashtarit at-tahaddi bi ayat al-anbiya. C'est-à-dire il dit en fait que ce n'est pas une condition, ça. Le fait de citer au niveau de la définition du miracle, de dire que c'est une chose qui sort de l'ordinaire et qui est accompagné d'un défi, il dit ça, c'est pas un short, c'est-à-dire c'est pas une condition. Cheikh al-Islam, il voit en fait que c'est pas une condition, c'est-à-dire qu'il y a des miracles qui ne sont pas accompagnés d'un défi, certains miracles qui ne sont pas un défi en eux-mêmes, ils n'ont pas été en fait apportés pour défier en fait certains peuples, pour défier certaines catégories de gens. Donc en fait c'est pour ça qu'il recoule le Cheikh rahimahullah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, annahu yara annahu la yashtarit at-tahaddi bi ayat al-anbiya. Donc il dit en fait que la preuve en elle-même, ou on va dire le signe en elle-même, est une preuve. Le signe du prophète, le miracle du prophète est une preuve en elle-même. Est une preuve en elle-même. Et même si en fait il n'est pas accompagné, ou même si elle n'est pas pris, ce miracle-là n'est pas pris comme un défi lancé. N'est pas pris comme un défi lancé au peuple. Taïe. على كل حال دونك امر خالق للعاده مقرون بالتحدي ودعوى النبوه طيب سالم عن المعارضه سالم عن المعارضه c'est-à-dire sain de toute annulation. Donc al-mu'arada, on pourrait traduire par objection par exemple, mais on traduit par annulation, on traduit par annulation, sain de toute annulation. C'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire qu'en fait ce miracle là ne peut être annulé. Ce miracle-là, rien ne peut l'annuler. Rien ne peut venir annuler ce miracle-là. Et en fait, par rapport à cela, on va faire sortir quoi ? On va faire sortir ici les effets sataniques, ce qu'on appelle les effets diaboliques et la sorcellerie. Donc, contrairement à ce qu'on appelle l'ahwal shaytaniya, c'est-à-dire les effets sataniques, les effets diaboliques, ou assir, la sorcellerie, ce sont des choses en fait qui peuvent être annulées. Ce sont des choses qui peuvent être annulées. Par contre, le miracle, donc les effets sataniques, comme tout le monde le sait, sont des effets qui vont en fait sortir de l'ordinaire. Par contre, ces effets-là peuvent être en fait annulés. Contrairement à quoi ? Contrairement au miracle. Donc voilà en fait pour ce qui est de la définition qui est en fait complète. Amrun khaliqun al-'ada maqrunun bit-tahaddi wa da'wa an-nubuwa salimun 'an al-mu'arada. Salimun عن المعارضة. On s'en voit là pour ce qui est en fait de la définition de Al-Mu'ajiza, c'est-à-dire là le miracle. Et au niveau de la définition, il y a aussi certains savants en fait qui donnent aussi un autre complément qu'on peut citer, inshallah, qu'on peut citer. فيقولون يجري الله وحده على يد أنبيائه ورسله تأييدا له. تأييدا له. Donc en fait, c'est un complément que l'on peut apporter au niveau de la définition. Ils disent, certains savants, donc, que Allah Azzawajal fait apparaître ses miracles par l'intermédiaire de ses prophètes. ou dans les mains, si on traduirait littéralement, dans les mains de leur prophète, c'est-à-dire par l'intermédiaire de leur prophète. Donc lorsqu'on dit Yujriya Allah wahda, c'est-à-dire que lui seul, ça c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, lui seul, est le seul en fait à avoir le mérite par rapport, à avoir le mérite et la louange par rapport en fait à ce miracle, et qu'en fait il n'y a pas de pouvoir par rapport aux prophètes, c'est-à-dire que les prophètes n'ont pas de pouvoir par rapport à ce miracle, que ce miracle il vient uniquement et entièrement d'Allah Azzawajal, qu'il est le seul auteur de ce miracle-là. Et en fait, donc ça c'est un point qui est important. Et deuxième point, lorsqu'ils disent ta'yid an lahum, c'est-à-dire pour les ta'yid an lahum, c'est-à-dire pour les appuyer, pour appuyer ces prophètes-là et pour appuyer leur prêche, pour appuyer leur prêche, pour faire voir aux gens donc qu'ils sont réellement sincères. Donc yujriha Allah wahda ala yad anbiya'ihi wa rusulihi. Donc on revoit le terme anbiya wa rusul, on avait vu la différence qu'il y a entre les deux. Donc anbiya comme les rusul, c'est-à-dire ceux qui sont dit nabi, celui qui est dit nabi ou comme celui qui est dit rasul, ils vont bénéficier de quoi? De miracles de la part d'Allah azawajal, ta'yidan lahum, c'est-à-dire qu'ils vont être en fait appuyés afin de les appuyer. Ce miracle là va appuyer eux-mêmes leur da'wah, leur prêche. Ensuite, il va en fait nous citer deux catégories des miracles. Il nous dit en fait le miracle qui est dit hissiya. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce sont ceux qui sont en fait palpables. On peut traduire par les miracles qui sont dits palpables. C'est-à-dire ceux que l'on peut voir, que l'on peut contempler par la vue, ou que l'on peut entendre par l'ouïe. Donc en fait, c'est ce que nous dit le shirk. C'est ce qu'on peut entendre. Sur ce qu'il nous dit en fait hissiya, c'est en fait, il veut dire par là ce qui est vu, ce qui peut être vu par donc la vue, et ce qui peut être entendu par l'ouïe. Il nous a donné des exemples par rapport à ça, le shir. Il nous dit comme l'apparition de la chamelle qui est sortie en fait du rocher. Kahuruj an-naqati min as-sakhra. Naam. Ça, c'est un des miracles. Et un autre miracle aussi, la transformation du bâton en serpent. La transformation inqilab al-asa hayya. C'est-à-dire que ça, bien sûr, c'est pour Moïse lorsqu'il a jeté son bâton et qu'il s'est transformé devant les sorciers. Il s'est transformé en quoi? Il s'est transformé en serpent. Donc ça, c'est des miracles que l'on voit de nos yeux. C'est des miracles que l'on voit de nos yeux ou que l'on peut entendre. Donc par rapport à Louis, il nous cite l'exemple de la parole des choses qui sont inanimées, comme par exemple la pierre, comme c'est arrivé au prophète sallam à la Mecque avant qu'il ait eu la mission. Il y avait en fait une pierre toujours qui le saluait. Donc en fait ça aussi c'est considéré comme un miracle, et c'est quelque chose donc qu'on peut entendre. Donc c'est quelque chose qui est palpable, c'est-à-dire qu'on peut entendre ou qu'on peut voir. Donc ça c'est la première catégorie des miracles. Et la deuxième catégorie donc c'est le contraire, ceux en fait qui sont impalpables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher directement, ou qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, ou qu'on ne peut pas attendre en fait avec notre ouïe. Donc en fait il veut dire par là que c'est un miracle qui se contemple avec science. Tushahad bil basira, c'est-à-dire avec science. Et il va nous donner donc l'exemple de cela. Il nous dit qu'un mu'jizatil Qur'an, al-Qur'an. Mais non, lorsqu'on voit le Coran, on va voir simplement un livre. La personne qui ne connaît pas que c'est le Coran, il va simplement voir un livre. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. C'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. C'est quelque chose qui est impalpable en fait. C'est un miracle qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas entendre. Mais lorsqu'on va lire le Coran, la personne qui va donc connaître la langue arabe correctement, qui va lire le Coran, alors là, à ce moment-là, après la lecture, donc après avoir pris science de ce livre-là, elle va s'apercevoir de tous les miracles qui se trouvent à l'intérieur de ce livre. Et il nous dit ensuite le shirk que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bénéficié des deux sortes. C'est-à-dire des deux sortes ou des deux catégories de miracles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a profité. C'est-à-dire qu'Allah azawajal lui a donné ces deux catégories de miracles. Donc que ce soit ce qu'on a dit al-hissiya ou que ce soit al-ma'nawiyya. Et il nous donne encore une autre précision, le shir. Il nous dit que tous les miracles qui ont été donnés au prophète avant lui, il a été donné à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le même miracle, mais encore en mieux. Yani, a'zamu minha fi babia. C'est-à-dire qu'il va être encore plus important. Et plus. C'est un miracle qui va être plus important et plus appuyé. lorsqu'il va être en fait dans, entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va nous donner des exemples. Maintenant il va nous donner des exemples, le cheikh rahimallahu ta'ala. Je vois que ça va faire bientôt une heure de cours, donc je ne sais pas si on continue, parce qu'en fait les exemples qu'il va donner le cheikh, j'aurais aimé en fait revenir aux preuves, c'est-à-dire lorsqu'il nous parle d'inshiqaq al-qamar, hanin al-jidha parfois, wa nab' al-ma, tout ça j'aurais aimé en fait revenir aux hadiths qui sont cités, expliquer en fait les hadiths pour que ce soit en fait un peu plus détaillé. Simplement je voulais donner aussi une autre précision par rapport au miracle. Il faut savoir en fait que certains savants, pour ce qui est des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils en ont cité plus de 3000. Plus de 3000 miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent bien en dehors du Coran. En dehors du Coran. Wa dharir al-Qur'an anna al-Qur'an ala qawli ba'd ahli al-'ilm tatadamman 60000 mu'jiza. 60000 miracles, c'est-à-dire que le Coran comprend, certains savants disent en fait que le Coran comprend plus de 60000 miracles. Et même certains disent 70 000 miracles. C'est-à-dire que le Coran lui-même comprend, comme certains savants l'ont énuméré, 70 000 miracles. Par contre, pour ce qui est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous est venu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des miracles qui sont propres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains savants disent en fait qu'ils en ont énuméré plus de 3 000. Plus de 3000 miracles. Donc ça en fait c'est une autre précision que l'on donne par rapport à cela, au miracle. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.